إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 15 dans l'explication du livre Fadl al-Islam avec le sharh du Cheikh Saleh al-Fawzan et on est à la page 100 maintenant dans le livre. Donc on est arrivé à un point maintenant où le Cheikh dit, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit Babun, قول الله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين. Donc ça c'est le verset dont le Cheikh mentionne le début et la fin et on va le lire ensemble à travers les passages qu'on va lire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ô vous les gens du livre, pourquoi vous argumentez au sujet de Ibrahim, hein, jusqu'à la fin du verset? Est-ce qu'il y a la traduction, est-ce qu'elle est là? Barakallahu fik. Donc on va lire le verset au complet, c'est le verset 65 à 67 dans Surat Al-Imran. Et c'est une réfutation des juifs et des chrétiens. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets, il répond aux juifs et aux chrétiens. Ya ahl al-kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, wa ma unzilat at-tawrat wa al-injil illa min ba'dih, afala ta'qilun. Ha antum ha'ula'i حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Ça signifie, ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, Ibrahim, alors que la Torah et l'Injil ne sont pas descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas de connaissance? Or Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Ibrahim n'était ni juif, ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, il était musulman et il n'est pas du nombre des mushrikin, des gens qui font le shirk avec Allah. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce verset. Il dit Ahlul Kitab humul yahud wa nasara. Lamma da'ahum Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila l'islam wa qala inni Rasulullah ilaykum jami'an الذي له ملك السماوات والأرض قالوا لا نتبعك نحن على دين إبراهيم فالله جل وعلا رد عليهم وقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ثم قال جل وعلا يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم يعني أن كل منكم يدعي أن إبراهيم على دينه فاليهود يقولون إن إبراهيم كان يهوديا والنصارى تقول إن إبراهيم كان نصرانيا يا سبحان الله التوراة والإنجيل متى أنزلت؟ لم تنزل إلا بعد إبراهيم بمدة طويلة، فكيف يكون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا؟ هذا يكذبه الواقع. Donc le cheikh il dit, oh les gens du livre, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a appelés à l'islam. Les gens du livre, ce sont les juifs et les chrétiens. Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a appelé les juifs et les chrétiens à se convertir à l'islam, ils ont dit, yani, on ne va pas te suivre parce que nous on est sur la religion d'Abraham. Eux, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis le messager d'Allah pour vous tous, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui détient les cieux et la terre. Eux, ils ont dit, non, on ne te suit pas, parce que nous, on suit la voie ou la religion d'Abraham. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu en disant, les gens qui sont le plus méritoires, ou qui méritent le plus, hein, de se vanter, d'appartenir à la voie d'Abraham, ce sont ceux qui l'ont suivi. Hein. Et ce prophète, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui ont cru. Et Allah est le défenseur et le protecteur des croyants. Summa qal, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 65, ça c'est le verset 67, et dans le verset avant, 65, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez reçu le livre, ô vous les gens du livre, pourquoi vous voulez disputer avec pourquoi voulez-vous disputer à propos de Ibrahim? C'est-à-dire, le cheikh explique que chacun de ces deux-là, les juifs et les chrétiens, il prétend que Abraham est sur sa religion. Les juifs disent Abraham était juif. Les chrétiens disent Abraham était chrétien. Ya subhanallah. Le cheikh il dit ya subhanallah par étonnement. Il dit la Torah et l'Injil, quand est-ce qu'elles ont été révélées, ces deux livres-là ont été révélés quand? Ils ont tous les deux été révélés après Abraham et une longue durée de temps. Donc comment Abraham pouvait-il être juif ou chrétien? Ça c'est contredit par la réalité, hein, par le contexte, on le sait que c'est faux. Et le cheikh dit, ya ahl al-kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, wa ma unzilat at-tawrat wal-injil illa min ba'dih, afala ta'qilun? Hadha la yaquluhu 'aqil, an al-mutaqaddim yattabi'u al-mutaakhir, bal al-'aks huwa as-sahih, al-mutaakhir yattabi'u al-mutaqaddim, فليس إبراهيم بيهودي لأن التوراة ما أنزلت إلا من بعده ولا بنصراني فالإنجيل نزل بعده على عيسى فهذا من العبث بالعقول والتضليل المكشوف. Donc le cheikh il a cité le verset, hein? Pourquoi vous disputez aux gens du livre, pourquoi vous disputez à propos d'Abraham alors que la Torah et l'Injil n'ont été révélés qu'après lui? Ne réfléchissez-vous donc pas? C'est-à-dire, est-ce que vous n'utilisez pas votre aql? Est-ce que vous n'utilisez pas votre raison? Le cheikh il dit, une personne qui est raisonnable, qui a une raison, elle ne va jamais dire ce genre de parole. Parce que celui qui est venu avant, il ne peut pas suivre celui qui est venu après. Hein? Qu'est-ce qui est vrai? C'est le contraire. Celui qui est venu après, il suit celui qui est venu avant lui. Donc, Abraham n'est ni juif, parce que la Torah est révélée après lui. Et il n'est pas chrétien non plus, parce que l'Injil est révélé après Ibrahim. Donc, c'est clair que de prétendre qu'il était juif ou chrétien, c'est un mensonge clair. Et c'est un égarement. Yani, les juifs et les chrétiens, eux, ils prétendent que Ibrahim il était juif ou chrétien, et Allah subhanahu wa ta'ala il réfute cette idée là en disant Ibrahim il est venu avant Torah, avant l'Injil, donc il ne pouvait pas être juif ni chrétien. Maintenant si vous allez rencontrer un chrétien, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire, comment vous pouvez prétendre qu'il est musulman alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu après le Torah, après l'Injil, hein? Et dans ce cas-là, vous dites qu'il n'est pas juif et il n'est pas chrétien. Donc, pour eux, ils vont dire, donc il n'est pas musulman non plus. Comment on va répondre à ça? C'est parce que la... C'est ça, c'est que l'islam, c'est le tawhid. Et c'est la religion de tous les prophètes. Et c'est la religion d'Abraham. Et donc, l'islam, il n'est pas seulement venu avec la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et avec le Coran, mais il est venu avec tous les messagers. Hein? Donc, c'est la même religion qu'ils ont amenée et c'était toujours l'islam. Il n'y avait pas d'autre religion. Isa, il est venu avec l'islam. Moussa, il est venu avec l'islam. Ibrahim, il est venu avec l'islam. D'accord? Donc, ça, c'est la réponse à cette shubha. Donc, le cheikh, il dit, ولكن كان حنيفا اي مخلصا لله عز وجل في العباده مسلما يعني موحدا فالاسلام هو التوحيد وهو دين جميع الانبياء وهو افراد الله جل وعلا بالعباده وان اختلفت شرائعهم فكل شريعه كانت لحاجه تلك الامه حسب مصلحتها فالإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له بما شرعه في كل وقت بحسبه فالذين آمنوا بالتوراة وعملوا بها في وقت العمل بها كانوا مسلمين والذين آمنوا بالإنجيل وعملوا به في وقت العمل به كانوا مسلمين والذين آمنوا بالقرآن وعملوا به في وقته وهم مسلمون لأن الجميع موحدون هم مسلمون لأن الجميع موحدون فالتوحيد هو دين جميع الرسل والإسلام هو دين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. Donc ce point là le cheikh Al-Fawzan il explique maintenant. Il dit que Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était un hanif et un musulman. Un hanif, c'est-à-dire qu'il purifiait son adoration pour Allah seul. Il rendait son adoration pour Allah seul, il la rendait pure pour lui seul. Et il était musulman, c'est-à-dire muwahhidan, c'est-à-dire qu'il était un pur monothéiste, quelqu'un qui n'associe rien dans son adoration avec Allah, qui adore Allah seul, qui croit au tawhid et qui l'applique. Hein? Il n'adore rien, il n'adore pas d'autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'adore rien en dehors d'Allah. Il n'adore pas des idoles, il n'adore pas des statues, il n'adore pas des prophètes, il n'adore pas des anges, il n'adore pas des djinns, il n'adore pas des arbres, il n'adore pas le soleil ou la lune ou les étoiles, il n'adore pas des saints ou des prophètes ou des tombes ou des tombeaux ou des choses de ce genre. Il adore Allah seul. Donc il est musulman, il est muwahhid, parce que l'islam c'est le tawhid. L'islam, c'est le tawhid. Et le tawhid, c'est l'unicité d'Allah. Le fait d'adorer Allah seul et de rien associer avec lui. C'est ça l'islam. Et c'est la religion de tous les prophètes. Et c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant une adoration à lui seul et en lui offrant un culte exclusif. Hein? Donc, même si les lois qui ont été révélées à chaque messager sont différentes selon l'époque, et selon le besoin de chaque nation, mais la religion, la base de la religion, qui est l'islam, qui est l'adoration d'Allah seul, ça change jamais. Hein? Toutefois, la législation et les règles, elles peuvent changer pour un peuple ou pour un autre. Mais l'adoration d'Allah seul, ça reste pour toutes, pour tous les messagers, pour tous les prophètes, pour toutes les révélations. Hein? Exactement. Le prophète Moussa et le prophète Isa, alayhim assalam, ils n'étaient pas juifs, ils n'étaient pas chrétiens. C'est-à-dire leur religion, c'était pas autre chose que l'islam. Leur religion, c'était l'islam. Bon, les mots juifs et le mot chrétien, même si tu vas vérifier, même dans les livres de ces gens-là, nulle part c'est écrit où Jésus dit « Ma religion, c'est le christianisme ». Nulle part Jésus a dit dans le Nouveau Testament qu'il possède, même encore aujourd'hui, nulle part tu vois où c'est écrit Jésus qui dit aux gens « Ma religion, ça s'appelle le christianisme et devenez des chrétiens ». déjà même les chrétiens eux-mêmes sont d'accord pour dire que historiquement le terme christianisme est apparu après Isa alayhi salam, et que c'est un mot qui vient du grec, hein, Christos, qui veut dire celui qui a été choisi ou qui a été oint, ou des choses comme ça. Donc ça c'est pour dire que ça c'est un terme que même c'est les gens qui ont inventé ce nom-là à propos de ceux qui se disaient suivre Isa, hein. Ils les ont appelés des chrétiens, mais c'est pas Isa alayhi salam qui a choisi ce nom-là pour eux. Et les juifs c'est la même chose, puisque le terme juif ça vient de une des tribus parmi les 12 tribus des fils d'Israël, c'est-à-dire parmi les fils de Jacob, un qui s'appelait Yahuda, et ça vient de ce nom-là, tu vois. Donc c'est pour dire que ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir avec le nom d'une religion, ok. Et c'est pour ça que parfois ça prête à confusion, surtout par rapport aux juifs, parce qu'ils mélangent des fois l'origine avec la croyance religieuse. Ils mélangent l'ethnie avec la croyance religieuse et ça crée beaucoup d'ambiguïté parfois. Mais à la base, on sait que la religion de Moussa, c'était le tawhid et c'était l'islam. Hein? Donc, ici, c'est ça ce qu'il dit, le cheikh. Il dit que la religion de tous les prophètes, c'est d'offrir à Allah subhanahu wa ta'ala une adoration, hein, à lui seul, un culte exclusif. Et les règles et les lois et les législations, tu vas trouver qu'il y a des différences entre elles parfois. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre des règles et des lois à certains peuples selon l'époque et selon ce qu'ils avaient besoin. Hein? Ça c'est par rapport aux révélations qui ont précédé le Coran, qui ont précédé l'islam. Parce que ces révélations-là n'étaient pas des révélations universelles qui étaient pour tous les peuples et pour toutes les époques. Elles étaient limitées à des peuples spécifiques et elles étaient pour une époque bien, bien spécifique aussi. Tandis que le Coran et la Sunna sont révélés pour tous les peuples et jusqu'à la fin des temps. Donc, on ne peut pas comparer les deux sur le plan des règles, parce que il y a cette distinction-là. Mais, même s'il y a des différences entre les règles de certains des prophètes ou certains des livres, il faut savoir que le fait, la base de la religion, le cœur de la religion, qui est le fait d'adorer Allah seul et de rien associer avec lui, ça n'a jamais changé dans le message de tous les prophètes. C'était toujours la même chose et c'est ça l'islam. Donc l'islam c'est d'adorer Allah seul et de rien associer avec lui dans l'adoration, et de l'adorer selon la charia de l'époque dans laquelle les gens vivaient s'ils sont nés avant l'islam ou s'ils ont vécu avant l'islam. Comme par exemple le cheikh dit, ceux qui ont cru à la Torah et qui ont appliqué la Torah à l'époque où on devait l'appliquer, ceux-là, ils étaient des musulmans à cette époque-là. Et ceux qui ont cru à l'Injil à l'époque où on devait suivre l'Injil, c'est-à-dire avant l'islam, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont cru en l'enseignement de ces prophètes-là tel que ces prophètes-là l'avaient enseigné à cette époque-là, alors ceux-là, ils étaient musulmans. Kanu muslimin. Et il dit, ceux qui ont cru au Coran et qui l'ont appliqué, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, à son époque, alors ceux-là sont musulmans. Et ils sont tous des muwahidoun. Ils sont tous des gens qui sont sur le tawhid. Et le tawhid, c'est la religion de tous les messagers. Et l'islam, c'est la religion de tous les messagers, alayhi wa salatu wa salam. Le cheikh, il dit ensuite, wa qawluhu wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa wa laqad istafaynahu fi dunya wa innahu fi al-akhirati la min as-salihin. Ça c'est le verset 103 dans sourate al-Baqarah, hein? dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie et qui préférerait autre chose à la religion d'Abraham excepté celui qui a fait preuve de faiblesse d'esprit. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi dans cette dunya et dans l'au-delà il sera du nombre des pieux. Et le Cheikh Al-Fawzan il explique ce verset. Il dit قول الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم من يتركها فالرغبة عن شيء عن الشيء تركه أما الرغبة في الشيء فإنها طلبه وملة إبراهيم هي التوحيد والإخلاص لله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه والسفه هو الخفة في العقل فهو سفيه في نفسه وهو يزعم أنه عاقل وأنه حكيم ومدرك للأمور ولكنه في الحقيقة سفيه. Donc le Cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala donc il dit et qui préférerait autre chose ou abandonnerait la religion de Ibrahim, c'est-à-dire qui va l'abandonner, hein? من يرغب فيه, ça veut dire quoi? أو نعم من يرغب عن, il explique que quand tu dis فالرغبة عن, ça veut dire d'abandonner quelque chose ou de préférer quelque chose à cette chose. Mais الرغبة في, ça veut dire de vouloir cette chose et de la chercher. Donc en arabe ce mot là on voit que c'est le même mot, mais si tu l'utilises avec عن ça veut dire de le laisser, si tu l'utilises avec في ça veut dire de le chercher ou de le vouloir, de le demander. Donc ici Allah dit وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمِ, donc qui voudrait abandonner la religion d'Abraham. La religion d'Abraham, on l'a dit, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah et de rendre son adoration pure pour Allah seul, hein, d'être sincère et d'avoir une adoration qui est pure uniquement pour Allah. Donc quiconque voudrait abandonner ça, qui voudrait abandonner ça excepté celui qui a fait preuve d'une faiblesse d'esprit en lui-même. Parce que astafa en arabe, le cheikh il dit que ça veut dire quelqu'un qui a un esprit qui est faible, un esprit qui est léger, hein, qui n'est pas intelligent ou qui fait preuve de faiblesse dans son intelligence ou dans sa compréhension, alors qu'il croit qu'il est intelligent ou qu'il croit qu'il est sage ou qu'il croit qu'il comprend les affaires. Mais dans la réalité, c'est un safi. Dans la réalité, c'est une personne qui est faible d'esprit. فَالَّذِي يَتْرُكُ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمِ سَفِيهِ. Donc celui qui abandonne la religion d'Abraham, c'est un faible d'esprit. Celui qui abandonne donc le tawhid, hein, et l'unicité d'Allah, c'est un faible d'esprit. C'est quelqu'un qui fait preuve d'une faiblesse d'esprit. لَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا يعني اخترنا إبراهيم عليه السلام في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أخلص دينه لله عز وجل وترك عبادة الأوثان والأصنام وكسرها وحطمها وتبرأ من أهلها وحصل له ما حصل من الإيذاء على ذلك إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أسلم يعني انقد لرب العالمين أو انقاد لرب العالمين عز وجل ولا تنقد أو انقد لرب العالمين ولا تنقد لغيره. Le Cheikh ici, il continue l'explication du verset, il dit « Et nous l'avons certes choisi dans cette dunya, on a choisi Ibrahim a.s. dans cette dunya et dans l'au-delà il sera du nom des vertueux et des pieux. » Lorsque son Seigneur lui dit « Aslim », c'est-à-dire « Entre dans l'islam » ou « Soumets-toi », »,« Entre dans la soumission »,« قال أسلمت لرب العالمين » il dit je me soumets au Seigneur des mondes, au Seigneur des univers. » C'est-à-dire, il a purifié sa religion pour Allah seul et il a délaissé, hein, il a délaissé l'adoration des idoles, l'adoration des statues, et il les a cassés, il les a détruits, il s'est désavoué de ceux qui les adoraient, et il a eu toutes ces épreuves et ces difficultés là par la suite à cause de ça. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أسلم يعني إنقاد يعني أنقد لرب العالمين. Ici il dit, et lorsqu'il dit à son Seigneur, soumets-toi, hein, entre dans l'islam, c'est-à-dire soumets-toi au Seigneur de l'univers, soumets-toi et obéis à lui, et ne te soumets pas à personne d'autre que lui. Il dit ensuite, وفي حديث الخوارج قد تقدم. أي الشيخ الفوزان يقول أي في هذا الباب الحديث الذي في أول الباب الذي قبله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه هذه بدعة الخوارج. Il dit, et il y a à ce sujet-là également le hadith des khawarij qu'on a mentionné dans le cours précédent. Il dit Cheikh Al-Fawzan, c'est-à-dire que dans ce chapitre, il y a également le hadith qu'on a mentionné au début du chapitre, c'est-à-dire celui qui a précédé, il quitte la religion, il sort de la religion comme une flèche quitte son arc, puis ils n'y reviennent pas. C'est-à-dire la bid'a des khawarij. Wa fihi أنه صلى الله عليه وسلم قال إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون. Donc il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, un tel de ma famille, en parlant de certains des membres de sa famille, il dit, ils ne sont pas mes alliés. Mes alliés sont uniquement ceux qui craignent Allah. Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et c'est un hadith rapporté selon Amr ibn al-As, et c'est ce qu'il dit. Il dit, un tel de ma famille ne sont pas mes alliés. Mes alliés sont uniquement al-muttaqoun, c'est-à-dire ceux qui ont at-taqwa, les croyants, les mu'minoun. Le cheikh explique ça, il dit, ليسوا لي بأولياء من الولاية وهي المحبة أما الولاية بالكسر فهي الملك والسلطة فالرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن ليس على دين التوحيد ولو كان من أقاربه في النسب فإنه لا يحبه وليس له بأولياء يعني لا يحبهم ما داموا على غير دينه صلى الله عليه وسلم ولكن أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم هم المتقون سواء كانوا من أقاربه أو من غيرهم فسلمان الفارسي وبلال بن رباح الحبشي وصهيب الرومي هؤلاء ليسوا من أقاربه وإنما هم من الموالي ومع هذا صاروا أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأحبهم إليه لأنهم مؤمنون بينما أبو لهب عدو له صلى الله عليه وسلم وهو عمه أخ أبيه ومع هذا فقد تبرأ منه صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que quand il dit ils ne sont pas mes alliés, ça vient du mot laysu li bi awliya. Awliya, ça vient ici de al-walaya, al-walaya qui signifie l'amour, le rapprochement, ainsi de suite. Hein, ça vient de, c'est comme ça qu'on dit al-wala, al-wala ou al-bara. Hein, al-wala c'est l'amour, le rapprochement, et al-bara c'est la haine et le désavouement, ainsi de suite. Donc, il dit laysu li bi awliya, c'est-à-dire ils ne sont pas mes alliés. Et il y a une différence en arabe entre le terme entre al-walaya et al-wilaya. Al-walaya c'est dans le sens de l'amour et de du rapprochement, et al-wilaya avec le kasra c'est dans le sens du pouvoir et de l'autorité, et de le fait d'avoir l'autorité de diriger, hein. Donc ça c'est la différence entre walaya et wilaya, et donc ici on parle de al-wilaya avec fatha. Ok, donc le cheikh il dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de ceux qui ne sont pas sur la religion du Tawhid, même s'ils font partie de ses proches et qu'il a des liens de parenté avec eux, il ne les aime pas. Ils ne sont pas ses alliés. Pourquoi? Il ne les aime pas puisqu'ils ne sont pas sur sa religion. Mais les alliés du messager sallallahu alayhi wa sallam sont ceux qui sont al-muttaqoun, ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, peu importe que ce soit ses proches ou autres, comme par exemple Salman al-Farisi, c'est un Perse. Salman, c'est un Perse. Il n'est pas arabe. Il n'est pas de la tribu de Quraysh. Mais il fait partie des alliés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qu'il aime. Bilal ibn Rabah, il n'est pas un arabe. Il n'est pas de Quraysh. Mais il aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aime. Il est éthiopien. Hein, mais il l'aime quand même et il fait partie des alliés du messager sallallahu alayhi wa sallam. De même que Suhayb al-Rumi, hein, la même chose. Ils ne sont pas de la famille du messager sallallahu alayhi wa sallam, mais ils font partie des esclaves, hein, ils font partie des esclaves qui ont été libérés. Et malgré ça, ils sont devenus parmi les hommes les plus proches du messager sallallahu alayhi wa sallam et parmi ceux qu'il aimait le plus parce que ce sont des croyants, tandis que Abu Lahab, c'est un ennemi du messager, hein, c'est un ennemi du messager sallallahu alayhi wa sallam, malgré que c'est son oncle, le frère de son père. Mais malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de lui. الشيخ دي فليست المسألة مسألة قرابة ولا شرف للقرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم بدون الدين. Donc le cheikh il dit, la question ici c'est pas une question de parenté, d'être proche, d'avoir des liens de parenté avec le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Il y a aucun honneur du fait d'être de la famille du prophète صلى الله عليه وسلم si on n'est pas sur la religion. أما إذا كان على دين الرسول صلى الله عليه وسلم فله شرف القرابة وشرف الدين فيجتمع له الشرفان. Il dit, celui qui a la religion et qui en plus fait partie des proches du messager صلى الله عليه وسلم, alors celui-là il a la noblesse du fait qu'il a les liens de parenté avec le messager sallallahu alayhi wa sallam et en plus la religion. Donc pour lui il a les deux honneurs, le double honneur. Mais celui qui n'a pas de religion, amma idha lam yakun 'indahu din fala tanfa'uhu silatul qaraba abadan ma'a mukhalafati ad-din. Celui qui n'a pas de religion, ça ne lui servira à rien d'avoir des liens de parenté avec le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sans avoir la religion ou s'il est sur une autre religion. ولهذا تبرأ صلى الله عليه وسلم من آل أبي فلان من آل أبي فلان فقال ليس لي بأولياء فإن أولياءه المتقون من أي جنس كانوا فهذا فيه البراءة من المشركين ولو كانوا من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, وفي الحديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. Il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est désavoué de ceux qui étaient de sa famille en disant qu'ils ne sont pas ses alliés, qu'ils ne les aiment pas et qu'il aimait uniquement ceux qui sont pieux, hein, même s'ils sont d'une autre origine. Et dans ça il y a un désaveu, on se désavoue des mushrikines, même s'ils sont de la famille du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionne le hadith rapporté par Muslimé, il est rapporté selon Abi Huraira, il dit وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرَعَ بِهِ نَسَبُهُ. Donc celui qui n'a pas fait les actes, en voulant dire celui qui n'a pas fait les actes eh bien, son lien de parenté ne pourra pas hein, faire quoi que ce soit pour lui, ou précipiter quoi que ce soit pour lui, s'il n'a pas fait les œuvres. Naam. Ensuite, le cheikh il rapporte un autre hadith. Il dit, وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قالوا أما أنا فلا أكل اللحم وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أنام وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر فقال صلى الله عليه وسلم ولكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني. Donc il dit que également ça a été rapporté par Muslim selon Al-Bukhari et Muslim. Il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Anas que le messager sallallahu alayhi wa sallam, on lui a mentionné qu'est-ce que certains parmi les sahaba avaient fait. Et on lui a dit qu'il y a certains sahaba qui ont dit, moi je ne vais pas manger de viande. Ils ont décidé de manger que autre chose. C'est-à-dire, c'est comme s'ils se sont interdits pour eux-mêmes la viande. Comme certains aujourd'hui qui deviennent végétariens, oui c'est ça. Ils ne veulent pas manger de viande. Et il y en a d'autres qui ont dit, moi je vais, toute la nuit je vais prier tout le temps. Je ne vais jamais dormir. D'autres, et un autre a dit, moi je ne vais pas épouser de femme, je vais rester célibataire tout le temps. Et un autre a dit, moi je vais jeûner et je ne vais jamais briser mon jeûne. C'est-à-dire je vais jeûner tout le temps, tous les jours. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, il a dit, mais moi des fois je prie la nuit, des fois je dors, des fois je jeûne et des fois je ne jeûne pas et des fois j'épouse des femmes et je mange de la viande. Alors celui qui préfère autre chose que ma sunna, il n'est pas de moi. Celui qui préfère autre chose que ma sunna, il n'est pas de moi. Ou celui qui abandonne ma sunna, il n'est pas de moi. Donc le cheikh ici il dit, فهذا الحديث في صحيح في الصحيح هؤلاء جماعة من الصحابة يرغبون في الخير والعبادة والطاعة فجاءوا يسألون عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن يقتدوا به فلما أخبروا عن عبادته كأنهم تقلوها ثم قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مثلنا فالرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو ليس بحاجة إلى العبادة فلما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غضب واشتد غضبه وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا فأما إني أخوفكم لله وأتقاكم له وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني. Donc le cheikh il explique que ce hadith il est sahih et qu'il y a un groupe parmi les sahaba qui voulaient le bien, l'adoration, qui voulaient l'obéissance à Allah. Ils sont venus demander des questions sur l'adoration du messager sallallahu alayhi wa sallam dans le but de suivre son exemple. Et on leur a informé de l'adoration du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils ont entendu les choses au sujet de l'adoration du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'ils ont trouvé que c'était peu. Ils ont trouvé que c'était pas beaucoup. Alors ils ont dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas comme nous. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il a fait comme péché précédent ou à venir, lui a été pardonné. Tandis que nous, c'est pas le cas. Donc, lui, il n'a pas besoin d'adoration. Donc, on doit faire plus que lui. Ça, c'était leur logique, leur déduction. Qu'est-ce qu'il a dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, premièrement, il s'est mis en colère. Grandement en colère. Et il a dit, qu'est-ce que des gens ont dit? Ils ont dit telle et telle chose, hein, qu'ils vont pas manger de viande, qu'ils vont pas se marier, qu'ils vont pas faire ci et ça. Mais dis-moi, je suis celui d'entre vous qui a le plus de crainte d'Allah, hein, et pourtant je prie je prie et je dors. Je jeûne et parfois je jeûne pas. Et j'épouse des femmes et je mange de la viande. Celui qui préfère autre chose que ma sunna, il n'est pas de moi. Celui qui délaisse ma sunna, il n'est pas de moi. Donc, ça, c'est un avertissement. Le cheikh dit, فَهَذَا فِيهِ التَّحْذِيرُ مِنَ الْغُلُوِ فِي الْعِبَادَةِ وَهُوَ الزِّيَادَةُ وَالتَّجْدِيدُ عَلَى النَّفْسِ فَالدِّينُ وَسَطٌ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَاعْتِدَالٌ فَلَا تَشُقُّ عَلَى نَفْسِكَ وَتُحَمِّلْهَا مَا لَا تَطِيقُ. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو في أحاديث كثيرة وهي الزيادة في العبادة بل عليك أن ترفق بنفسك. الإنسان إذا اقتصد في العبادة وتوسط فيها فإنه يداوم عليها, أما إذا اشتد في العبادة فإنه يمل ويتركها, وهذا شيء معروف. Donc le cheikh il dit donc que ça c'est un avertissement. C'est un avertissement contre l'extrémisme et l'exagération dans la religion, dans l'adoration. Hein? Des gens qui veulent faire trop, ils veulent exagérer, ils se mettent des choses trop lourdes pour eux-mêmes, ils augmentent dans la religion, alors ils tombent dans l'exagération et l'extrémisme. Alors que la religion, c'est la modération. Par la grâce d'Allah, on doit être modéré. Donc tu ne dois pas faire des choses trop dures pour toi-même et faire porter à ton âme des choses qu'elle ne peut pas supporter. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a averti contre l'exagération et contre l'extrémisme dans plusieurs hadiths. Et c'est d'exagérer dans l'adoration. Et il dit, le cheikh il dit, au contraire tu dois être doux envers toi-même. C'est alléger les choses pour toi-même, pas de te charger trop, de faire trop. Parce que si tu veux en faire trop dans la religion, tu vas être fatigué en fait, hein? Tu vas être fatigué à la fin, et après tu vas l'abandonner, hein? Tu vas te briser, tu vas te fatiguer, hein? Donc il y en a comme ça, il y en a comme ça, Allah musta'an. Ils veulent faire beaucoup, et ils se mettent des obligations et des charges sur eux-mêmes. Et puis après, ils arrêtent. Et le cheikh dit, ça c'est quelque chose qui est connu. Il dit, قال صلى الله عليه وسلم, إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهر ولا ظهرا أبقى. الإنسان بشر لا يتحمل. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهر أبقى. Ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari dans Sunan Al-Kubra selon Jabir ibn Abdullah et Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Si je me souviens bien de la signification, ça veut dire celui qui part avec sa monture en voyage et il part et il ne s'arrête pas. Il ne prend pas de repos et de pause sur son chemin. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas une longue distance et en plus il n'arrive pas à préserver sa monture, il l'épuise et elle crève par la suite, hein? Elle crève par la suite, c'est-à-dire la bête elle peut plus supporter, elle se fatigue et puis elle meurt. Et donc il n'arrive pas à destination. Donc l'être humain c'est un homme, c'est un être humain, il a des limites. Tu peux pas tu peux pas charger un homme de faire des choses qu'il ne peut pas supporter. فإذا شدد على نفسه لم يستطيع وفي النهاية يترك العمل وهذا مشاهد معروف. Donc si il est trop dur avec lui-même, à la fin il abandonne, il peut plus, hein? Le cheikh dit, فهناك أناس رأيناهم يتشددون ثم في النهاية انحلوا من الدين. كانوا هؤلاء عرفا عنهم التشدد والغلو وفي النهاية أصبحوا منحرفين عن الدين. Le cheikh, il y avait des gens, on les a vus, ils étaient durs, très très durs dans la religion, hein? Et on les voyait comme ça, puis ils étaient connus pour être des gens extrémistes et durs. Il y a des gens comme ça, ils cherchent toujours les exagérations et les choses les plus difficiles ils veulent pas prendre la facilité, alors que la facilité dans les choses qui sont permises, on doit le prendre. On ne doit pas choisir le plus dur tout le temps. Donc, qu'est-ce qui arrive avec ces gens-là? À force d'être extrémistes, à la fin, ils quittent la religion. Ils dévient complètement parfois. Ils cessent de pratiquer. Tu les voyais comme ça avec la barbe, hein, le qamis, et toujours à la mosquée, toujours la sunna et tout. Ils étaient durs avec eux-mêmes et trop durs même. Et après, qu'est-ce qui est arrivé? Ils n'en pouvaient plus, ils ont tout laissé tomber. Le cheikh, il dit, à la fin, ils sont devenus déviés de la religion. Ils ont dévié de la religion. Donc ça, c'est les résultats de l'exagération. Hein? C'est, l'exagération, ce n'est pas de porter la barbe, ou de porter le kamis ou des choses comme ça. Ça, ce n'est pas l'exagération. L'exagération, c'est de faire ça, mais en plus, tu veux en faire trop par la suite. Hein? Tu vas exagérer dans la religion. Tu te mets des choses qui ne sont pas obligatoires, tu te les mets obligatoires. Des choses qui ne sont pas haram, tu te les interdis. Hein? Il y a des gens comme ça. Des choses halal, ils mettent des doutes dedans. Ils ne veulent pas les faire. Des choses haram, hein? C'est clair que si c'est haram, c'est haram. Mais si ce n'est pas haram, eux, ils mettent des doutes, ils disent que c'est haram. Hein? Des choses qui ne sont pas obligatoires, ils les rendent obligatoires. Hein? Subhanallah. Donc ça, c'est souvent, c'est à cause de l'ignorance. Donc le cheikh, il dit quoi? Il dit wa fi an-nihaya, ok. فهذه آفة الغلو والعياذ بالله. أما الاعتدال والتوسط فهذه سبيل إلى الاستمرار والثبات. وهذه هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الحث على الاقتصاد في العبادة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وترك الغلو والتشدد لأن هذا بدعة مخالفة للسنة أو لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que ça c'est une maladie aujourd'hui, l'extrémisme et l'exagération, qu'Allah nous en préserve, mais la modération et d'être modéré et d'être entre les extrêmes, ça c'est la voie qui nous amène vers le fait de persévérer et de rester ferme sur la bonne voie. Et ça c'est la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a dans ça l'incitation à faire preuve de modération dans l'adoration. Al-iqtisad fil ibada, c'est-à-dire de faire ton adoration pour qu'elle soit pas extrême dans l'exagération, que tu rajoutes des choses, ou extrême dans le laxisme et que tu abandonnes des choses et que tu laisses tomber des choses. Tu ne dois pas enlever au point d'exagérer dans le fait d'enlever des choses de la religion, et tu ne dois pas exagérer dans l'autre opposé, c'est-à-dire de rajouter et de rendre les choses trop difficiles. Il y a ces deux extrêmes. Il y a ceux qui veulent tout rendre facile et rendre tout halal et permettre tout. Et à l'autre extrême, de ceux qui veulent exagérer, rendre tout haram et rendre tout difficile. Donc, le droit chemin et la sunna, c'est de prendre la religion telle qu'elle est, dans la modération, et d'éviter toute forme d'exagération et d'extrémisme. Parce que ça, hein? Sans exagérer d'un côté ou de l'autre, et d'abandonner l'extrémisme, parce que l'extrémisme c'est une bid'a, c'est une innovation dans la religion, contraire à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'extrémisme qui a amené les khawarij à dévier du droit chemin et à tomber dans la bid'a. Hein? Donc c'est dangereux l'extrémisme. Le cheikh il dit ensuite wa qawluhu wa man raghiba an sunnati fa laysa minni. Hala ka qawlihi ta'ala wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsah wa qad tabarra ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam minhu. Donc il dit, فهذا فيه التحذير من بدعة الغلو وبدعة التشدد والحث على الاعتدال والتوسط في الأمور كلها والدين وسط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا هو السبيل الصحيح، وهو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يتقال إنسان المسلم عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا ليس تساهلا ولا غلوا، ولكنه توسط لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. ودين الله بين الغالي والجافي، الغالي المتشدد والجافي المنحل، المنحل الذي يقول إن الدين ليس بالصلاة والعبادة، والدين بالقلب ويترك الأعمال، هذا جاف. وكذلك الذي يتشدد في العبادات ويشق على نفسه فهو غال، والدين هو الوسط والاعتدال. قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغيان هنا التشدد والغلو والعياذ بالله. الشيخ يقول et donc quiconque choisit autre que ça, c'est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم quand il dit: et quiconque choisit autre que ma sunna, alors il n'est pas de moi. Quiconque abandonne ma sunna, il n'est pas de moi. Ça c'est comme lorsque on lit dans l'autre verset: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. La même chose. Le verset à propos d'Ibrahim: et quiconque veut une religion ou abandonne la religion d'Abraham ou veut autre que la religion d'Abraham, excepté celui qui est faible d'esprit. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de celui qui y suivait autre que sa sunna. Et il y a donc dans ça un avertissement de la bid'a, contre la bid'a, et la bid'a de l'extrémisme et la bid'a de l'exagération, et d'être trop dur dans la religion, et d'être trop dur envers soi-même ou d'être trop dur envers les autres aussi. Parce que des fois il y en a qui sont durs envers eux-mêmes et avec les autres, il y en a qui sont durs avec les autres et pas avec eux-mêmes, Allah musta'an. Donc ça c'est pas correct. Donc il faut être modéré. Et donc le cheikh il dit que ici il y a une incitation à être modéré et à prendre les choses dans le juste milieu, dans toutes les affaires. Dans la religion, il faut être dans le juste milieu. Et il mentionne le verset 153 dans Sourate Al-An'am: et voici mon chemin dans toute sa rectitude, alors suivez-le. Ça c'est le droit chemin, la bonne voie qu'on doit suivre, celle qui est correcte, et c'est la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc quelqu'un ne doit pas diminuer l'action du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, tu vois l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dis: ah, mais il n'a pas fait beaucoup d'adoration, donc moi je vais faire plus que lui. Ça c'est grave. Beaucoup de gens sont tombés dans l'égarement à cause de ça. Et il y en a qui font ça aussi avec l'exemple des sahaba. Ils disent: ah, les sahaba ils faisaient ça, donc il faut faire plus. Tu ne peux pas faire plus que les sahaba, jamais. Et l'égarement des Khawarij, il est venu du fait qu'ils voulaient faire plus que les sahaba. Et c'est pour ça que les sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: vous allez mépriser votre prière par rapport à leur prière, et vous allez mépriser votre jeûne par rapport à leur jeûne. En voulant dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avertit les sahaba au sujet de ces Khawarij qui sont des extrémistes. Il leur dit: quand vous allez voir les Khawarij, comment ils prient, vous allez mépriser votre prière. Vous allez dire: nous, c'est comme si on ne prie pas vraiment comparé à ce qu'eux font comme prière. Et quand vous allez voir comment ils jeûnent beaucoup, vous allez dire: mais c'est comme si nous, on ne fait rien par rapport à eux. C'est des gens extrémistes dans la religion, extrémistes dans l'adoration. Sauf que par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des Khawarij qu'ils vont quitter la religion comme la flèche quitte son arc. Et quand elle passe à travers la proie, elle sort, elle passe à travers comme ça, il n'y a aucune trace dessus. Elle n'a rien laissé. Il n'y a rien de l'islam qui est resté sur elle. Donc elle est sortie de l'islam aussi vite qu'elle est rentrée. Et donc ça c'est l'exemple des Khawarij. C'est des extrémistes. Hein, et c'est comme ça qu'ils font. Donc, les cheikhs, ils disent ça de cette manière-là. Hein. Personne ne peut faire plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et personne ne peut faire plus que les sahaba. Et ceux qui se sont déviés et qui se sont égarés souvent, c'est parce qu'ils s'imaginaient qu'ils pouvaient faire plus que le messager sallallahu alayhi wa sallam ou plus que les sahaba. Et maintenant, à l'époque actuelle, vous avez des gens comme ça qui se prétendent meilleurs que les prophètes. Meilleurs que les prophètes. Ils disent, nous, on a atteint un degré plus haut que les prophètes. Hein? Parmi les certains des shuyukh, il y en a qui font rien et puis ils disent qu'ils sont meilleurs que les prophètes aussi. C'est comme je disais l'autre jour justement à propos de ça, c'est, il y a des gens comme ça, ils pensent que tout le monde qui pratique l'islam sont des hypocrites, excepté ceux qui ne pratiquent pas. Ouais, c'est comme ça. Donc pour eux, l'hypocrite c'est celui qui pratique l'islam, mais celui qui ne pratique pas, lui, il n'est pas hypocrite. Ça, c'est le monde à l'envers. Parce que pourquoi ils disent ça? Parce que pour eux, ils disent, bon, c'est mieux que je pratique pas, comme ça je vais pas être un hypocrite. Hein? Pourquoi ils pensent ça? Parce qu'ils se disent, si je pratique puis je fais des péchés, donc ça veut dire que je vais être un hypocrite. Donc si je pratique pas, je peux faire des péchés. Et je vais pas être un hypocrite. Alhamdulillah. Donc ça, c'est une mauvaise compréhension de l'islam, une mauvaise compréhension de l'hypocrisie. L'hypocrisie, ça ne veut pas dire quelqu'un qui ne fait pas de péché. De toute façon, il n'y a personne qui ne fait pas de péché. Tout le monde fait des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullu bani Adam khatta wa khayrul khatta'in at-tawwabun » Ça veut dire tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Et le meilleur d'entre eux, c'est celui qui se repent. Donc, tu te repens après avoir commis un péché, tu demandes pardon à Allah et tu te corriges. C'est tout. Hein? Mais le munafiq, l'hypocrite, c'est celui qui est en sécurité. Il dit non, moi, j'ai pas de problème, moi. J'ai pas besoin de me repentir. J'ai pas besoin de pratiquer l'islam. Hein? La foi, c'est dans le cœur. Ça, il y a un problème, là. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Ensuite, le shir, il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre exemple. Donc, on peut pas penser qu'on peut faire plus que lui. Il dit Allah dit dans le verset 21 dans Surah Al-Ahzab, il y a certes pour vous, dans l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam, dans l'exemple du messager d'Allah, un bon exemple pour celui qui espère en Allah et au jour dernier. Et donc, le cheikh, il dit, c'est pour ça que la religion, il faut pas, c'est être au juste milieu, de pas être trop laxiste. Tu te permets tout ce qui est haram, tu te laisses aller, tu fais n'importe quoi, et puis tu fais pas ce qui est obligatoire. Et donc ça, c'est un extrême. Et l'autre extrême, ceux qui exagèrent dans la religion, hein, ils veulent, en plus de ce qui est obligatoire, ils rendent tout plein d'autres choses qui sont juste recommandées, qui sont pas obligatoires, ils les rendent obligatoires. Et ils sont durs là-dedans dans la religion. Et des choses qui ne sont pas haram, ils les rendent haram. Hein? Donc, ils compliquent tout dans la religion. Et il y en a comme ça, surtout ici dans les pays non musulmans, ils cherchent tous les petits détails pour compliquer la religion des gens. Et pour rendre la religion difficile pour les gens. Hein? Parce qu'ils n'ont pas de connaissances. Et parce qu'ils ne retournent pas aux ulama. Souvent, c'est ça. Ils ne retournent pas demander les questions aux ulama quand quelque chose, est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram, et ils jugent par eux-mêmes. Non, ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram. Et ils ne demandent pas aux ulama. Donc le cheikh, il dit, il faut être dans le juste milieu. Il ne faut pas exagérer dans le fait d'être laxiste, et il ne faut pas exagérer dans le fait d'être extrémiste et de rajouter des choses dans la religion. Donc la religion d'Allah, c'est d'être entre les deux extrêmes. Entre ceux qui font rien, qui veulent rien faire, et ceux qui veulent tout faire, qui veulent exagérer et rajouter des choses dans la religion qui ne sont pas obligatoires. Donc, c'est d'être entre les deux. Il ne faut pas exagérer dans le fait de faire trop et d'être trop dur, et exagérer dans le fait d'être trop laxiste et permissif et d'aller même jusque parfois au libertinage. Allah al-musta'an, ça devient grave. Hein? Les gens qui considèrent qu'il n'y a rien de haram, il n'y a rien de haram pour eux. Et il y en a même parmi les musulmans, Allah al-musta'an, qui ont été égarés par le shaitan au point de dire, quand ils font des péchés, je l'assume. A'ouzou billah, qu'est-ce que tu l'assumes? T'assumes quoi? Tu vas assumer le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection? Allah al-musta'an. Donc quand quelqu'un il arrive à parler, ça ils ont pris ça des kuffars. Hein? Les gens qui parlent comme ça, ils ont pris ça des kuffars. Ils font des péchés. Tu vois, les gens, ils vivent une vie de toute leur vie, c'est des choses haram. Et puis, non, j'assume la façon que je vis. A'oudhou billah. Tu peux assumer le bien, mais assumer le haram, assumer le mal. Qu'est-ce que tu vas dire au jour de la résurrection? Hein? A'oudhou billah. Donc, le cheikh, il dit, hein, tu dois être dans le juste milieu. Si tu fais des péchés, dis pas je l'assume. Dis astaghfirullah. Dis a'ouzou billah. Dis demande l'aide d'Allah pour qu'il te t'aide à sortir de ce péché-là. Mais dis pas je l'assume. Hein? Après le cheikh il dit والجافي المنحل الذي يقول إن الدين ليس بالصلاة والعبادة. Donc c'est ça, cette catégorie de personnes là qui disent la religion c'est pas avec la salat, c'est pas avec l'adoration, c'est pas avec la barbe, c'est pas avec le qamis, c'est pas avec le hijab, c'est pas avec le jeûne, c'est pas la religion, c'est pas avec ces choses là la religion c'est dans le cœur seulement. Donc ils ont résumé toute la religion à qu'est-ce qui est dans leur cœur soi-disant, et donc ça se limite en réalité à dire que c'est dans la langue. Parce que nous, dans le cœur, on ne voit pas qu'est-ce qui est dedans. Mais on entend juste ta langue qui bouge beaucoup et puis qui prétend avoir de la foi dans son cœur. Et ça, on ne peut pas vérifier, nous. Parce qu'on ne voit pas à travers, on n'a pas des rayons X pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Mais on voit tes paroles, on entend tes paroles, on voit tes actions. Et ça, Allah, il nous a fait descendre des règles à ce sujet-là. Il nous a dit qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui n'était pas bien. Et à notre époque, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On a une autre mentalité qui est apparue chez certains musulmans maintenant. C'est ceux qui disent, on juge personne. On juge personne. C'est Dieu seul qui juge. Hein? Et alors, pourquoi dans ce cas-là, Allah, il a révélé le Coran et la Sunna? Il nous a pas demandé, il nous a pas révélé ça pour qu'on juge selon qu'est-ce qui est dedans? Hein? Donc, Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous demande de juger les paroles et de juger les actions. Si tu veux, et d'ordonner le bien et d'interdire le mal, comme le frère il le dit. Hein? Si tu juges pas, comment tu vas ordonner le bien? Si tu sais pas qu'est-ce qui est mal, comment tu vas interdire le mal? Et quand tu vois quelqu'un faire le mal, comment tu vas juger? Si tu juges pas, comment tu vas lui interdire ce mal? Tu vas dire, ah non, je juge pas. Il fait le mal, mais je juge pas. Je sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Et l'autre il l'assume, Allah musta'an. Qu'Allah nous préserve de l'égarement, qu'Allah nous préserve. Franchement, c'est grave. Et donc, le cheikh, il dit, ces gens-là, tu les vois comme ça, ils font n'importe quoi. Hein? Et surtout parmi les musulmans qui ont été influencés par les philosophes occidentaux, là. Il y en a qui ont accepté des philosophies comme l'existentialisme ou il y a d'autres idéologies comme ça. Tu les vois comme ça, ils répètent les paroles de Jean-Paul Sartre et d'autres phares parmi les philosophes. Et justement, c'est ces gens-là qui vivent n'importe comment. Ils vivent d'une façon qui est complètement opposée à l'islam. Et puis après, ils disent, la foi c'est dans le cœur, la religion c'est une relation entre un individu et son créateur. Dans l'islam il n'y a pas d'intermédiaire entre l'homme et Dieu, et donc il n'y a pas de clergé, et donc il n'y a personne qui peut dire qui est sur le droit chemin et qui dans l'égarement. C'est seulement Dieu qui va dire ça au jour de la résurrection. Donc dans ce cas-là, on peut dire que dans ce cas-là, si c'était comme eux ils le prétendent, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre le Coran et la Sunna pour rien. Juste pour qu'on le récite comme ça, c'est tout. Pour gagner des hasanats. Mais on ne l'utilise pas pour être guidé. Et on ne l'utilise pas pour distinguer entre qu'est-ce qui est al-haq ou al-batil. Hein? Ça sert juste comme ça, une décoration qu'on met dans la bibliothèque. Le Coran, on le met dans la bibliothèque. Et on le regarde. Et c'est bien joli. Et ça s'arrête là. On ne l'applique pas. On ne juge pas selon ce qui est dedans. Quand Allah dit quelque chose, ça c'est al-haq, on ne dit pas que c'est al-haq. Et quand il dit ça c'est batil, on ne dit pas que c'est batil. On fait comme si on n'a rien vu. Hein? Et on dit tout le monde est bon, tout le monde est correct, et c'est Dieu qui sait qu'est-ce qui est correct. Non, c'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il va juger entre les hommes au jour de la résurrection dans les choses sur lesquelles ils ont divergé. Ça, il n'y a pas de doute. Mais il nous a donné la réponse à cette divergence-là dans sa révélation pour qu'on sache qu'est-ce qui est la vérité et qu'est-ce qui est le faux. Il y en a qui ont été guidés à cette vérité-là, et il y en a d'autres qui n'ont pas reçu le succès et qui n'ont pas été guidés à cette vérité-là. Mais ça ne veut pas dire que nous, de notre côté, on n'a pas de responsabilité face à ça. On doit, comme le frère a mentionné, ordonner le bien, interdire le mal, appeler les gens au bien, les éloigner du mal et leur rappeler du bien, ainsi de suite. Le cheikh, il dit ensuite, donc c'est ça. وَكَذَلِكَ الَّذِي يَتَشَدَّدُ فِي الْعِبَادَاتِ وَيَشُقُّ عَلَى نَفْسِهِ فَهُوَ غَالٍ وَالدِّينُ هُوَ الْوَسَطُ وَالْاِعْتِدَالِ قال الله عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا الطغيان هو التشدد والغلو والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit donc encore une fois que de même que celui, comme l'autre extrême, c'est celui qui exagère trop dans les adorations et qui se rend les choses trop difficiles, il est extrémiste. Donc la religion c'est entre les deux, il faut être modéré. Hein? Et yani, il mentionne le verset 112 dans Surat Hud, hein? Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il ordonne aux messagers de se mettre droite, hein? Et de rester sur la droiture. Fastaqim kama umirt, comme on t'a ordonné de l'être. Wa man taba ma'ak, ainsi que ceux qui sont avec toi qui sont revenus à Allah, et ne transgresse pas. Voilà, tatraou. Hein? Voilà, tatraou, c'est un. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interdit de transgresser. At-touryan. At-touryan, ça veut dire tu exagères, tu es trop dur, t'es extrémiste, des choses comme ça, ça c'est interdit. Wal-iyazu billah. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a cette tendance-là maintenant, des gens qui passent toujours d'un extrême à l'autre. Subhanallah, et souvent ces gens-là, tu les vois, soit ils sont dans un extrême, ou soit ils sont dans l'autre, et des fois ils sont dans les deux extrêmes en même temps, et ça c'est parmi les choses les plus étonnantes qu'on peut imaginer. Hein? Que déjà c'est, on voit que certains sont dans un extrême, ils exagèrent dans la religion, ils veulent dépasser la limite. Et il y en a d'autres, ils font rien, ils font pas d'efforts, et ils sont négligents et laxistes, et ils sont bien là-dedans. Ils ont cet extrême-là. Et il y en a maintenant qui ont les deux extrêmes en même temps. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous savez comment ils font? C'est parce qu'ils ont deux visages. En public, devant les gens, ils ont un visage doux et ils appellent à la douceur et à la gentillesse et à le fait d'être modéré, ainsi de suite. Puis, en privé, ils sont extrémistes et ils passent dans l'exagération. Et quand c'est-à-dire qu'ils ont des opinions à eux personnelles, qu'ils disent pas aux gens, qui sont des opinions extrémistes, mais qu'ils font savoir à certains de leurs proches, hein, et qu'ils diffusent parmi eux. Donc c'est pour ça que tu vois des fois des gens comme ça, en public, hein, il y a même certains prêcheurs maintenant sont comme ça, en public tu les vois, ils ont des idées, ils parlent de modération, de douceur, hein, il faut être doux, ainsi de suite, tout le temps. C'est ça leur discours. Ils ne parlent que de rien d'autre que ça. La douceur, la douceur, la douceur, tout le temps. Puis, après, en privé, ils sont méchants. Ils font le takfir des dirigeants, ou bien ils insultent les dirigeants, ils appellent à se moquer des savants, ils les rabaissent. Et pourtant, en public, ils disent non, il faut respecter les savants, il faut parler de bien. Et quand tu leur parles, par exemple, tu les mets en garde contre un individu qui a des égarements ou qui a des problèmes dans son manhaj ou dans sa aqida, ils disent non, mon frère, il faut pas juger, hein, il faut pas juger. C'est comme Tariq Ramadan, Allah al-Musta'an, quand on lui a posé la question à propos des homosexuels, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, nous, on n'est pas là pour juger. Mais, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par on n'est pas là pour juger? Est-ce que tu parles de son sort? Est-ce qu'il va aller au paradis ou à l'enfer? Ça, c'est Allah seul qui le sait. Hein? On ne sait pas s'il meurt sur l'islam, s'il va se repentir, ou s'il est déjà musulman, il est tombé dans ce péché-là. il se repent avant sa mort, ou même s'il ne se repent pas, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il va lui pardonner, ou sinon il va le châtier. Mais de dire on ne le juge pas, dans le sens on ne va pas dire que ça c'est haram, on ne va pas dire que ça c'est une perversité, on ne va pas dire que ça c'est interdit en islam, on ne va pas clarifier aux gens la vérité sur ce sujet là, ça c'est pas correct. Hein? Donc il faut expliquer les choses telles qu'elles sont. Mais le sort de l'individu, quand tu parles de pas juger, il faut spécifier qu'est-ce que tu veux dire par on va pas juger. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Et c'est ça qu'on expliquait dans un autre cours une fois. On expliquait que il y a des gens, ils sont toujours en train d'utiliser des formules ambiguës quand ils parlent aux gens. C'est-à-dire ils utilisent des formules, ça peut avoir une signification correcte ou une signification fausse. Et quand ils parlent, ils sont toujours en train de jongler avec ces formules. Et à la fin, tu ne sais jamais de quel côté ils sont. Est-ce qu'ils sont pour ou contre? Tu ne peux pas savoir. Parce que c'est des formules tellement générales, tellement ambiguës, que ce n'est pas clair qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, l'islam nous demande de parler de façon claire et de dire les choses de façon claire pour que justement il n'y ait pas d'ambiguïté et pour que les gens puissent savoir exactement où est-ce qu'elle est la vérité ou est-ce qu'il est le mensonge. Hein? Donc ça c'est un point important à mentionner. Donc on va terminer avec la fin de qu'est-ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné dans ce point-là. Il dit fata'ammal idha kana ba'd as-sahaba lamma aradu at-tabattul lil-ibada qila lahum aw qila fihi hadha al-kalam al-ghalidh fasummiya fi'luhu rughuban 'an as-sunnah. فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit ici, et donc réfléchis bien comme il faut sur l'exemple de certains de ces sahaba qui ont voulu se limiter et se concentrer uniquement sur l'adoration, laisser la dunya. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comme parole sévère et dure à ce sujet-là, et il a même appelé ce qu'ils ont fait un abandon de sa sunna. Donc, qu'est-ce que tu dirais donc de d'autres parmi les bid'ahs que des gens font, qui sont faites de la part d'autres personnes que des sahabas? Qu'est-ce que tu dirais de d'autres bid'ahs qui existent aujourd'hui et de d'autres que les sahabas? C'est encore plus sévère, encore plus grave dans ce cas-là. Hein? Et donc, ça c'est ce qu'on remarque. À l'époque, ça c'était à l'époque, des gens qui amenaient ces idées-là. Parmi les sahaba, ils voulaient s'augmenter dans l'adoration, s'augmenter dans la piété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit suivez ma sunna. Et aujourd'hui, il y a des gens qui font ces mêmes choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit aux sahaba de ne pas faire. Ils le font aujourd'hui et plus encore. Hein? Il y a des gens qui pensent que pour adorer Allah, il faut aller s'isoler dans des endroits loin des gens, dans les montagnes ou bien dans les monastères. Ils ont imité comme les moines. Ils ont fait de la religion musulmane comme une sorte de monastère islamique. Et ils restent dans le silence, ils se privent de nourriture, ils ne se marient pas, ils s'éloignent de certains plaisirs, de certaines choses qui sont halal, des plaisirs halal. Hein. Eux, ils disent non, on s'en prive. Hein. Alors, ils pensent qu'en faisant ça, ils font quelque chose de bien. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui quitte ma sunna, il n'est pas de moi. Donc, celui qui suit cette voie-là, parmi les soufis, hein, parmi les groupes et les turcs soufis aujourd'hui qui enseignent ces choses-là, ils sont en contradiction avec la sunna. Le cheikh Al-Fawzan il dit إِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةُ وَالصَّحَابَةُ هُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ لَمَّا هَمُّ بِهَذِهِ الْهَمَّةِ أَنْكَرَ عَلَيْهِمُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَغَلَّظَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ صَحَابَةُ فَكَيْفَ بِغَيْرِهِمْ مِنْ مُتَأَخِّرِ الْقُرُونَ الَّذِينَ تَجَاوَزُوا الْحُدُودَ فِي الْغُلُوِّ وَالتَّطَرُّفِ أو في التساهل والميوعة فدين الله جل وعلا وسط واعتدال وصراط مستقيم ليس فيه مشقة على النفوس وليس فيه تساهل وضياع وإنما هو دين سمح وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالله جل وعلا لا يريد أن يجعل عليكم من حرج، فالدين ليس فيه حرج ولا تشدد ولا غلو، كما أنه ليس فيه تساهل، وإنما هو وسط بين الطرفين. هذه ملة محمد صلى الله عليه وسلم، الاعتدال قائم، الاعتدال دائما وأبدا، ولا يبقى الإنسان على الدين إلا بهذه الطريقة، لأنه إذا تساهل خرج من الدين، وإذا تشدد خرج من الدين أيضا، ولا يثبت إلا إذا كان على الوسطية والاعتدال. Donc le Cheikh il dit que on voit que ces Sahaba aujourd'hui, si c'était le cas pour eux, on voit que les Sahaba à l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, si c'était le cas pour eux, alors que ce sont les meilleurs parmi les générations, lorsqu'ils ont voulu faire ce genre de choses, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les a dénoncés et a condamnés, a critiqué ce qu'ils faisaient, et il les a critiqués sévèrement, alors que ce sont des sahaba. Alors que pouvons-nous dire dans ce cas-là de ceux qui viennent après, parmi les autres siècles qui ont dépassé toutes les limites dans l'extrémisme et dans l'exagération, ou bien dans le laxisme et dans la permissivité? Donc la religion d'Allah, c'est le juste milieu et la modération et le droit chemin. Quand on dit le droit chemin, ça veut dire le chemin qui est droit, qui ne va pas ni vers la gauche ni vers la droite. Donc c'est le chemin droit, c'est la modération en même temps. Et il n'y a pas dans ce chemin de difficulté pour l'âme, ni de choses compliquées ou lourdes. Hein? C'est quelque chose qui est facile. Hein? Il n'y a rien qui te perd, il n'y a rien qui t'éloigne de la facilité. Et c'est une religion de modération et une religion facile. Allah il dit dans le verset 78 dans Sourate Al-Hajj, « Ma ja'ala alaykum fi d-din min haraj » Allah n'a mis aucune difficulté pour vous dans la religion. Aucune difficulté, aucune complication. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le but pour lequel il a fait descendre cette religion, c'est pas pour rendre la vie des hommes difficile, c'est pas pour leur compliquer la vie, bien au contraire. Donc il n'y a rien de difficile dans la religion d'Allah, et au contraire elle vient avec la facilité. Donc la religion, il n'y a pas de difficulté dedans, il n'y a pas de dureté dedans ou d'extrémisme dedans, hein? Et il n'y a pas non plus de laxisme et de laisser aller au point où on abandonne qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est obligatoire. Donc c'est une religion qui est entre les deux extrêmes, et c'est la religion la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la religion d'Abraham et de tous les prophètes, hein, le tawhid, et c'est d'être modéré toujours, de rester toujours modéré. Et l'homme ne peut pas rester sur cette voie, hein, excepté en suivant cette, ne veut pas rester sur la religion excepté en suivant cette voie. Parce que si tu deviens trop laxiste, tu vas sortir de la religion, hein? Et si tu deviens trop extrémiste, tu vas sortir aussi de la religion. Et tu vas pas être capable d'être ferme sur la religion excepté en restant sur le droit chemin. Les ulama, ils disent, al-ma'asi baridul kufr. Al-ma'asi baridul kufr. C'est-à-dire que, en fait, les péchés sont le messager de la mécréance. Les péchés que tu fais sont les messagers de la mécréance. C'est-à-dire que même si le péché en lui-même, il n'est pas kufr, il ne t'amène pas nécessairement en dehors de l'islam, mais le fait de le faire et de le faire et de le faire et de rajouter des péchés, de faire de plus en plus, petit à petit, ça risque de t'amener à tomber dans le kufr à la fin. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, tu vois, à pas tomber dans le laxisme trop pour se laisser aller dans le haram et dans les choses interdites, hein, parce que même si ça ne te fait pas tomber dans la mécréance directement, mais à la longue, ça peut faire en sorte que ton cœur devient tellement noir, tellement rouillé, qu'à la fin, tu tombes dans le coffre et tu t'en aperçois même pas. Hein. والعياذ بالله. Donc ça c'est très grave. Et donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Hein? Puis on continuera, inshallah, au prochain cours, inshallah, samedi prochain. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.